Chapitre 137e. L'élève de Monsieur le Duc de la Vauguyon. Au moment où l'Assemblée votait par acclamation des remerciements aux trois ministres sortants et décrétait l'impression et l'envoi dans les départements de la lettre de Roland, Dumouriez parut à la porte de l'Assemblée. On le savait brave, on l'ignorait audacieux. Il avait appris ce qui se passait et venait hardiment attaquer le taureau par les cornes. Le prétexte de sa présence à l'Assemblée était un mémoire remarquable sur l'état de nos forces militaires. Ministre de la guerre depuis la veille, il avait fait faire ce travail dans la nuit. C'était une accusation contre Servan, qui en réalité retombait sur De Grave et surtout sur Narbonne, son prédécesseur. Servan n'avait été ministre que pendant 10 ou 12 jours. Dumouriez arrivait bien fort. Il quittait le roi, qu'il venait de conjurer d'être fidèle à la double parole donnée à l'endroit de la sanction des deux décrets, et le roi lui avait répondu, non seulement en lui renouvelant sa promesse, mais encore en lui affirmant que les ecclésiastiques qu'il avait consultés pour mettre sa conscience à couvert avaient été tous du même avis que Dumouriez. Aussi le ministre de la guerre marcha-t-il droit à la tribune. Il y monta au milieu de cris confus et de hurlements féroces. Arrivé là, il demanda froidement la parole. La parole lui fut accordée au milieu d'un épouvantable tumulte. Enfin, la curiosité qu'on avait d'entendre ce qu'allait dire Dumouriez fit que l'on se calma. « Messieurs, dit-il, le général Gouvion vient d'être tué. Dieu l'a récompensé de son courage. Il est mort en combattant les ennemis de la France. Il est bien heureux. Il n'est pas témoin de nos affreuses discordes. J'envie son sort. » Ces quelques paroles, dites avec une grande hauteur et une profonde mélancolie, firent impression sur l'Assemblée. En outre, cette mort faisait diversion au premier sentiment. On délibéra sur ce que l'Assemblée devait faire pour marquer son regret à la famille du général, et l'on décida que le président écrirait une lettre. Alors Dumouriez redemanda une seconde fois la parole. Elle lui fut accordée. Il tira son mémoire de sa poche. Mais à peine en eut-il lu le titre, « Mémoire sur le ministère de la guerre », que Girondins et Jacobins se mirent à hurler, afin qu'on n'en permît pas la lecture. Alors, au milieu du bruit, le ministre lut l'exorde d'un accent si élevé, d'une voix si claire, que l'on entendit que cet exorde était dirigé contre les factions et roulait sur les égards dus à un ministre. Un pari à plomb était fait pour exaspérer les auditeurs de Dumouriez, eussent-ils été même dans une disposition d'esprit moins irritable. « L'entendez-vous ? » s'écria Gadet. « Il se croit déjà si sûr de la puissance qu'il ose nous donner des conseils. » « Pourquoi pas ?» répondit tranquillement Dumouriez en se tournant vers l'interrupteur. « Il y a longtemps que nous l'avons dit, ce qu'il y a de plus prudent en France, c'est le courage. » Le courage de Dumouriez imposa à ses adversaires. On se tut, ou du moins, on voulut entendre et l'on écouta. Le mémoire était savant, lumineux, habile. Si prévenu que l'on fut contre le ministre, à deux endroits, on l'applaudit. Lacué, qui était membre du comité militaire, monta la tribune pour répondre à Dumouriez. Alors, celui-ci roula son mémoire et le remit tranquillement dans sa poche. Les Girondins virent le mouvement. Un d'eux s'écria « Le voyez-vous, le traître ? Il remet son mémoire dans sa poche. Il veut s'enfuir avec son mémoire. Empêchons-le ! Cette pièce servira à le confondre !» Mais à ces cris, Dumouriez, qui n'avait pas fait un pas vers la porte, tira le mémoire de sa poche et le remit à l'huissier. Un secrétaire tendit aussitôt la main et, l'ayant reçu, chercha la signature. « Messieurs, dit le secrétaire, le mémoire n'est pas signé. Qu'il le signe ! Qu'il le signe ! » s'écria-t-on de toutes parts. « C'était bien mon intention, dit Dumouriez, et il est assez religieusement fait pour que je n'hésite pas à y mettre mon nom. Donnez-moi de l'encre et une plume. » On lui donna une plume toute trempée dans l'encre. Il mit son pied sur les marches de la tribune et signa le mémoire sur ses genoux. L'huissier alors le voulut reprendre, mais Dumouriez lui écarta le bras et alla déposer le mémoire sur le bureau. Puis à petits pas et s'arrêtant d'instant en instant, il traversa la salle et sortit par la porte située au-dessous des bancs de la gauche. Tout au contraire de l'entrée, qui avait été couverte de cris et de huées, cette sortie fut accompagnée du plus grand silence. Les spectateurs des tribunes se précipitèrent dans les corridors pour voir cet homme qui venait d'affronter toute une assemblée. À la porte des feuillants, il fut entouré de 300 ou 400 personnes qui se pressaient autour de lui avec plus de curiosité que de haine, comme si, au bout du compte, elles eussent pu prévoir que 3 mois plus tard, il sauverait la France à Valmy. Quelques députés royalistes sortirent de la chambre les uns après les autres et accoururent à Dumouriez. Pour eux, il n'y avait plus de doute, le général était des leurs. C'était justement ce que Dumouriez avait prévu, et voilà pourquoi il avait fait promettre au roi de donner sa sanction de décret. « Eh, général !» lui dit l'un d'eux, « ils font le diable là-dedans. »« Ils lui doivent bien cela, » répondit Dumouriez, « car je ne sais que le diable qui ait pu les faire. »« Vous ne savez pas, » lui dit un autre, « il est question à l'Assemblée de vous envoyer à Orléans et de vous y faire votre procès. »« Bon, » dit Dumouriez, « j'ai besoin de vacances. J'y prendrai des bains et du petit lait, et je m'y reposerai. »« Général !» lui cria un troisième, « ils viennent de décréter l'impression de votre mémoire. Tant mieux !» C'est une maladresse qui me ramènera tous les impartiaux. » Ce fut au milieu de ce cortège et de ses avis qu'il arriva au château. Le roi le reçut à merveille. Il était compromis à point. Le nouveau conseil était assemblé. En renvoyant Servan, Roland et Clavière, Dumouriez avait dû pourvoir à leur remplacement. Comme ministre de l'Intérieur, il avait proposé Mourgues de Montpellier, protestant, membre de plusieurs académies, ancien feuillant qui s'était retiré du club. Le roi l'avait accepté. Comme ministre des Affaires étrangères, il avait proposé de Molde, Semonville ou Nayac. Le roi avait opté pour Nayac. Comme ministre des Finances, il avait proposé Vergennes, neveu de l'ancien ministre. Vergennes avait parfaitement convenu au roi qui, sur le champ, l'avait envoyé chercher. Mais celui-ci, tout en montrant au roi un profond attachement, avait refusé. On avait décidé alors que le ministre de l'Intérieur tiendrait par intérim le ministère des Finances, et que Dumouriez, par intérim aussi, en attendant Nayac, absent de Paris, se chargerait des affaires étrangères. Seulement, en dehors du roi, les quatre ministres, qui ne se dissimulaient point la gravité de la situation, étaient convenus que si le roi, après avoir obtenu le renvoi de Servan, Clavière et Roland, ne tenait pas la promesse au prix de laquelle ce renvoi avait été fait, il donnerait leur démission. Le nouveau conseil, disons-nous, était donc assemblé. Le roi savait déjà ce qui s'était passé à l'Assemblée. Il félicita Dumouriez sur l'attitude qu'il avait tenue, sanctionna immédiatement le décret sur le camp de 20 000 hommes, mais remit au lendemain la sanction du décret sur les prêtres. Il objectait un scrupule de conscience qui, disait-il, devait être levé par son confesseur. Les ministres se regardèrent, un premier doute s'était glissé dans leur cœur. Mais à tout prendre, la conscience timorée du roi pouvait avoir besoin de ce délai pour se raffermir. Le lendemain, les ministres revinrent sur la question de la veille. Mais la nuit avait fait son œuvre. La volonté, sinon la conscience du roi, s'était raffermie. Il déclara qu'il opposait son veto au décret. Les quatre ministres, l'un après l'autre, Dumouriez le premier, lui à qui la parole avait été engagée, parlaient au roi avec respect mais avec fermeté. Le roi les écouta, fermant les yeux, dans l'attitude d'un homme dont la résolution est prise. En effet, quand ils eurent fini, « Messieurs, dit le roi, j'ai écrit une lettre au président de l'Assemblée pour lui faire part de ma résolution. Un de vous la contresignera, et tous quatre vous la porterez ensemble à l'Assemblée. » C'était un ordre tout à fait dans le sentiment de l'Ancien Régime, mais malsonnant aux oreilles du ministre constitutionnel, par conséquent responsable. « Sire, dit Dumouriez, après avoir consulté du regard ses collègues, n'avez-vous rien de plus à nous ordonner ?»« Non, répondit le roi. » Et il se retira. Les ministres demeurèrent, et séance tenante, résolurent de demander une audience pour le lendemain. Ils étaient convenus de n'entrer dans aucune explication, mais de donner une démission unanime. Dumouriez rentra chez lui. Le roi avait presque réussi à le jouer, lui, le fin politique, le diplomate rusé, le général du courage doublé d'intrigue. Il trouva trois billets de personnes différentes qui lui annonçaient des rassemblements dans le faubourg Saint-Antoine, et des conciliabules chez Santerre. Il écrivit aussitôt au roi pour le prévenir de ce qu'on lui annonçait. Une heure après, il recevait ce billet, non signé du roi, mais écrit de sa main. « Ne croyez pas, monsieur, qu'on parvienne à m'effrayer par des menaces. Mon parti est pris. » Dumouriez saisit une plume et à son tour écrivit « Sire, vous me jugez mal si vous m'avez cru capable d'employer un pareil moyen. » Mes collègues et moi avons eu l'honneur d'écrire à Votre Majesté pour qu'elle nous fasse la grâce de nous recevoir demain à 10 heures du matin. Je supplie, en attendant, Votre Majesté de vouloir bien me choisir un successeur, qui puisse me remplacer sous 24 heures, vu l'instant des affaires du département de la guerre, et d'accepter ma démission. » Il fit porter cette lettre par son secrétaire, afin d'être sûr d'en avoir la réponse. Le secrétaire attendit jusqu'à minuit, et à minuit et demi, revint avec ce billet. « Je verrai demain mes ministres à 10 heures, et nous parlerons de ce que vous m'écrivez. » Il était évident que la contre-révolution se tramait au château. On avait en effet des forces sur lesquelles on pouvait compter. Une garde constitutionnelle de 6 000 hommes, licenciés, mais prêts à se réunir au premier appel. C'est 8 000 chevaliers de Saint-Louis dont le ruban rouge était le signe de ralliement. 3 bataillons suisses de 1 600 hommes chacun, troupes d'élite inébranlables, comme l'hiver rocher helvétique. Puis, mieux que tout cela, une lettre de Lafayette dans laquelle se trouvait cette phrase « Persistez, sire, fort de l'autorité que l'Assemblée nationale vous a déléguée, vous trouverez tous les bons Français rangés autour de votre trône. » Voici ce que l'on pouvait faire, voici ce que l'on proposait. D'un coup de sifflet, réunir gardes constitutionnels, chevaliers de Saint-Louis et Suisses. Enlever le même jour, à la même heure, les canons des sections. Fermer les Jacobins et l'Assemblée. Rallier tous les royalistes de la garde nationale, lesquels formaient un contingent d'environ 15 000 hommes, et attendre Lafayette, qui en 3 jours de marche forcée pouvait venir des Ardennes. Par malheur, la reine ne voulait pas entendre parler de Lafayette. Lafayette, c'était la révolution modérée, et à l'avis de la reine, cette révolution-là pouvait s'établir, persister, tenir. La révolution des Jacobins, au contraire, pousserait bientôt le peuple à bout et ne pouvait avoir aucune consistance. Oh, si Charny eût été là! Mais on ne savait pas même où était Charny, et l'eût-on su, c'était un trop grand abaissement, sinon pour la reine, du moins pour la femme, que de recourir à lui. La nuit se passa au château, tumultueuse et en délibération. On avait les moyens de défense et même d'attaque, mais pas une main assez forte pour les réunir et les diriger. À 10 heures du matin, les ministres étaient chez le roi. C'était le 16 juin. Le roi les reçut dans sa chambre. Duranton porta la parole. Au nom de tous, avec un respect tendre et profond, il présenta la démission de ses collègues et la sienne. « Oui, je comprends, dit le roi, la responsabilité. « Sire, s'écria Lacoste, la responsabilité royale, oui. Quant à nous, croyez-le bien, nous sommes prêts à mourir pour votre majesté. Mais en mourant pour les prêtres, nous ne ferions que hâter la chute de la royauté. » Louis XVI se tourna vers Dumouriez. « Monsieur, êtes-vous toujours dans les sentiments comme exprimait votre lettre d'hier ?»« Oui, sire, répondit Dumouriez. « Si votre majesté ne se laisse pas vaincre par notre fidélité et notre attachement. »« Eh bien, dit le roi d'un air sombre, puisque votre parti est pris, j'accepte votre démission, j'y pourvoirai. » Tous 4 saluèrent, Mourgue avait sa démission toute écrite, il la donna au roi. Les 3 autres la donnèrent de bouche. Les courtisans attendaient dans l'antichambre. Ils virent sortir les 4 ministres et comprirent à leur air que tout était fini. Les uns s'en réjouirent, les autres s'en effrayèrent. L'atmosphère s'alourdissait comme dans les hautes journées d'été. On sentait venir l'orage. À la porte des Tuileries, Dumouriez rencontra le commandant de la garde nationale, M. de Romainvilliers. Il venait d'arriver en toute hâte. « Monsieur le ministre, dit-il, j'accours prendre vos ordres. »« Je ne suis plus ministre, monsieur, répondit Dumouriez. « Mais il y a des rassemblements dans les faubourgs. Allez prendre les ordres du roi. Cela presse. »« Hâtez-vous alors, le roi vient d'accepter ma démission. » M. de Romainvilliers s'élança par les degrés. Le 17 au matin, Dumouriez vit entrer chez lui messieurs Chambonas et Lajard. Tous 2 se présentaient de la part du roi. Chambonas pour recevoir le portefeuille des relations extérieures et Lajard celui de la guerre. Le roi attendait, le lendemain matin 18, Dumouriez pour en finir avec lui de son dernier travail de comptabilité et de dépenses secrètes. En le voyant reparaître au château, on crut qu'il rentrait en place. On se pressa autour de lui pour le féliciter. « Messieurs, dit Dumouriez, prenez garde. Vous avez affaire non pas à un homme qui rentre, mais à un homme qui sort. Je viens rendre mes comptes. » Le vide se fit autour de lui. En ce moment, un huissier annonça que le roi attendait M. Dumouriez dans sa chambre. Le roi avait repris toute sa sérénité. Était-ce force d'âme? Était-ce sécurité trompeuse? Dumouriez rendit ses comptes. Le travail fini, Dumouriez se leva. Ainsi donc, lui dit le roi, en se renversant dans son fauteuil, « Vous allez rejoindre l'armée de Luckner ?»« Oui, sire. Je quitte avec délice cette affreuse ville. Il n'est qu'un regret, c'est de vous y laisser en danger. »« En effet, dit le roi avec une apparente indifférence, je connais le danger qui me menace. »« Sire, ajouta Dumouriez, vous devez comprendre que maintenant je ne vous parle plus par intérêt personnel. Une fois éloigné du conseil, je suis à tout jamais séparé de vous. c'est donc par fidélité, c'est donc au nom de l'attachement le plus pur, c'est donc pour l'amour de la patrie, pour votre salut, pour celui de la couronne, de la reine, de vos enfants. C'est donc au nom de tout ce qui est cher et sacré au corps de l'homme que je supplie votre majesté de ne point persister à appliquer son veto. Cette obstination ne servira à rien, et vous vous perdrez, sire. Ne m'en parlez plus, dit le roi avec impatience. Mon parti est pris. Sire, sire, vous m'avez dit la même chose ici, dans cette même chambre devant la reine, quand vous m'avez promis de sanctionner les décrets. J'ai eu tort de vous le promettre, monsieur, et je m'en repens. Sire, je vous le répète, c'est la dernière fois que j'ai l'honneur de vous voir. Pardonnez-moi donc ma franchise. J'ai 53 ans et de l'expérience. Ce n'est pas quand vous m'avez promis de sanctionner les décrets que vous avez eu tort. C'est aujourd'hui que vous refusez de tenir votre promesse. On abuse votre conscience, sire. On vous mène à la guerre civile. Vous êtes sans force. Vous succomberez. Et l'histoire, tout en vous plaignant, vous reprochera d'avoir causé les malheurs de la France. Les malheurs de la France, monsieur, dit Louis XVI, c'est à moi. Prétendez-vous qu'on les reprochera? Oui, sire. Dieu m'est cependant témoin que je ne veux que son bonheur. Je n'en doute pas, sire. Mais vous devez compte à Dieu non seulement de la pureté, mais encore de l'usage éclairé de vos intentions. Vous croyez sauver la religion. Vous la détruisez. Vos prêtres seront massacrés. Votre couronne brisée roulera dans votre sang, dans celui de la reine, dans celui de vos enfants peut-être. Oh, mon roi, mon roi! Et Dumouriez, suffoquant, appliqua ses lèvres sur la main que lui tendait Louis XVI. Le roi alors, avec une sérénité parfaite et une majesté dont on l'eût cru incapable, « Vous avez raison, monsieur. Je m'attends à la mort, et je la pardonne d'avance à mes meurtriers. Quant à vous, vous m'avez bien servi. Je vous estime et vous sais gré de votre sensibilité. Adieu, monsieur. » Et se levant vivement, le roi se retira dans l'embrasure d'une fenêtre. Dumouriez ramassa lentement ses papiers pour avoir le temps de composer son visage et donner au roi celui de le rappeler. Puis à pas lents, il se dirigea vers la porte, prêt à revenir au premier mot que lui dirait Louis XVI. Mais ce premier mot fut en même temps le dernier. « Adieu, monsieur. Soyez heureux, » dit le roi. Après ces paroles, il n'y avait pas moyen de rester un instant de plus. Dumouriez sortit. La royauté venait de rompre avec son dernier soutien. Le roi venait d'ôter son masque. Il se trouvait, visage découvert, devant le peuple. Voyons ce qu'il faisait de son côté, ce peuple.